Le Comité national d'étude du kim-sunnisme-kim-jonglisme du Nigérien a publié le 21 dans son homepage d'Internet un écrit contre la présidente sud-coréenne Park Geun-hye qui parle sans cesse à tort et à travers de l'abandon nucléaire du Nord.